Le ciel a dit que la gloire est mienne et le ciel a proclamé le travail de mes mains. Je suis avec toi, n'importe pas qui est contre toi.